Quelqu'un est quelqu'un lorsqu'il a quelqu'un qui est quelqu'un quelque part. Qui est Simbou le Caliste, Moussati Dominique, Charlotte Bébé, la sirène de Kribi. Nasi bene musu wele mpa ye bene biana nasi bene bato ye adowo ye e bene biana nasi bene biya ye aye ye mwo e bene biana nasi bene bato ye adowo ye e bene biana nasi bene biya ye aye ye mwo we. Je souffre à Douala, près de Nouva. Senga benyenge bamunango. Ouais. Poma to jindia. Na mende teme wunja. Na mende bene na mongwa wa. Utuma mundi. Sewe sanika. Mise Marguerite. Vinyo suwele biso. What's up? Quelqu'un devient quelqu'un. Derrière quelqu'un. Binomene malaki sane na menebe motoe. Binomene malaki sane na menebe motoe. Binomene malaki sane. Binomene. Binomene malaki sane na menebe motoe. Abona ba miyo. Si bene.